J'aime tes lèvres roses dorées, scintillées, pailletées. Elles sont comme un animal que l'on veut aimer et qui ne réclame que de se faire désirer. Sanglant diamant, ton cou est l'aurore de ton beau visage. Oui, ce sublime coup, pareil à un nuage que l'on découvre patiemment page après page. Je lui offre un cadeau qu'il portera tel un sauvage. Sanglant diamant, éclaboussant tes seins de sang. Sanglant diamant, et fera de toi ma violente enfant. Ces diamants mal polis font de toi ma tigresse. Tu réclames violemment mes dures caresses, celles qui laissent des roses traces sur tes fesses, pareil à tes lèvres écorchées ma déesse. Sanglant diamant, éclaboussant tes seins de sang. Sanglant diamant, et fera de toi ma violente enfant. Sanglant diamant, éclaboussant tes seins de sang. Sanglant diamant, et fera de toi ma violente enfant. Diamant en or et d'amour, diamant jamais mort et pour toujours. Diamant en or et d'amour, diamant en or et pour toujours.